Choisis ma tata, Iram, ange céleste, Carole la gabonaise, motema ya choisi. Maître Dieu merci na Brazzaville, Akon Jackson Mangala, Chantal Mangala, le général Ebozo, Papi Tokinudi, Chabani Kalombo, Igetsu Mpasi, Hervé Kaminia. Zambé na jeté na tout le loco la moine à Kelasi. Kobota elangi me pourquoi me baya kase na kolela. Et c'est moi l'élisaka soki monte mes yeux pour récite. Nanya le qui se balaye entre nous deux pour te commander distance. Et le quoi qui te kota mwele nga ya kaponi ni tango ya mwe si la ka. Tala la kikalina posa. Radel Tamba, Sabé Asima, gouverneur Tamba. Rumba te kaka bolingo te kaka sola jema. Atia katalita bisa bisute pona mwonga. Ao meli kuna seke mama bokilwa besyo kiti. Tango koko mapiaka kote lo baso kana kiti. Sinon ni ma kopo tisa. Chabani Record Basaba e la soto. Naba woyo basanga bolingo. Uzala shwasyo sonu kandinye. Vovo Vivian Songo. Naleli frema Yezu. Soke zala kanzambete. Mbilo lapa mokilio yo. Oko zonga li susute. Souffrance eleki. Madame Francine Motema ya Chabani Record. Passez le kelinga na kegulu kamarena pesana conseil na kutia pazolela. Toto me malade même ka. Motema sotu na ngai soki ene kache. Oya kelu ke po akunela yo bitumbo ya bolingo. Opolie motoba pimeli lofe neti motoba betili kofi. Soki ye fimbi siliso akosaka babeti enzete. Bolingo ele lisi musika na olie yemba nobolo ye nobolo. Akomi koyemba zonga zonga shwasi. Bolingo ele lisi profe atuni belev kese ke lamu. Po sheri ya boye azolie moto ya tangate. Yango avesi salirage misusu biloko ya chambre froide. Ezana ngo biodite, bolingo ya choisi matata ira. Bourgmestre Bailon Kemene. Nani ango akanga me chance na ngai ya vi. Afumola lisito yo ekangi ya chance na ngai. Honorable Alain Boika. Honorable Serge Kayembe Modian Vita. Directeur Kams Kisunga. Na mise, li papa mo bole bi mi meilleur souvenir po mo dele sila. Eka mousi ba vwa ma vi na ngai. Dire souffrance ya kobwe ke la nani alina ngai. Michel Mimou. Tosala balove ya sika haye. Yashwasi matata sika. Honorable Zakari Bababaswe. Mit harmonia la telinga ye. Pantale zame tire. Togo zome pata ye. Tony Koko. Ako Django. Eske ndako yo lalaka. Soke zana porte te. Menizia zazo bate. Cynthia Kapach. Pourquoi quand elle est naïe, c'est la langue à sentiment. Yo taïra moi pantalon mon balina ma auton, yo t'es tiré, t'es qu'elle est à soi ma vie. Virginie, Mangalé, la maman, je choisis Kobaye, yo. Magali Sissi, Henriette de Kanjima, 33 titres. Yo taïra moi pantalon mon balina ma auton, yo t'es tiré, t'es qu'elle est à soi ma vie. C'est que l'ingolé, la maman, je choisis Kobaye, yo. Tony Koko Kuntuala. Abraham Bayo Koko noa sali masua, sengleto akotate. Akote sibi loko desade, poye sala kouple. Menisi ya sali mbetu, poto lala kouple. Yo tae ramasi, pantalo mo balina mga otung. Yo che tire tete kele tansua ma vie. Christelle Mwabi Milago. Sebo lingole lamba, moni choisi koba e diyo. Papa ne malemba grand yao. Yanga, na yo na parle ma. Kin makamo. Motion, yale lo yanga na yo. Proclamé pour les chèques au bimis singai, répéchage les athées, n'aime kata soki et kosimba. José Baïnda, n'aime kata koluka boss ventrier, n'aime kako kimamba mouna luka pa. Babimboma, bâtiment, DG Junior ni malemba. Mention, y'a bestie nobilele na parlema. Mention, y'a Jean-Jacques Moutoile na ensemble. Mention, y'anga na Derike Kabeko. Mention, yanga na chibo apula. Mosio, yangala vyo wasitu Mwana dalase Chic Rose Yo taera mwasi Maîtresse Patalo amo bali nanga otongyo Chetire tete kele tansua ma vie Seko lingole la marmoni Choisi ko ba edio Lumba bao Tangona matisa kason Choisa chanta ka vitesse Vibration Wana kumba kangana profondeur bolingo Mariana la torti Mone onanga prolonge Salome kafongo Gisele mpui Naba bro kale na yo Chidi tembuma Chouami ya lolo Ilika bebe Sopala na kata biberan Poto poto ase moun Toti kelangwe vimbi salibundi Yuma bara yanke bona kitrosi Eric ne malemba Ambiskada bolingo semblable no ya kuluna Na oso kano pesa chombo bonini Yves Abdallah Stinu maemba jise kandolo blanki Ore dezo Jose fulone nanga sopi bolingo nangaye Chris Matadia Kate toko di fulone nanga wakia amu nangaye Otonge le moninga chanti ama wakota kule Santima Papa na zere ya mote majeni Obata mene wabi Carlos, Elikia Oye lo kwa na nindi kila oze Mwere kwa me telanga na puko so neglije lo foyo Mwere kwa me telanga na puko so neglije lo foyo Kari msuka mi ozo betanga na miswabana kakaboye Yama Afrika Ozo nyonganga na miswabana kakaboye Fabrice Lutumba Olingwe pesi nga buka buka santima Blaise Polo Seche Ibe pezo ngela dite kele lengi Olingwe pesi nga buka buka sentiment Ki maluba Liberté zongela ditekele lengi.